بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Que toutes les louanges soient à Allah subhanahu wa ta'ala et que les bénédictions, les saluts d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. Et on va commencer en fait un sujet important, parce que je voulais pas aborder les autres, parce que ça doit être clair d'abord, inshallah. C'est Aqsam al-Tawhid wa Aman al-Ummah. C'est les catégories de monothéisme, d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sécurité de la communauté musulmane. Et Tawhid, c'est la base de la sécurité de la communauté. Lorsque je dis Tawhid en arabe, ça réfère en fait à l'unicité d'Allah, le pur monothéisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça provient de Wahada, Yuwahidu. Comme dans une des versions, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad radiallahu anhu au Yémen, il lui dit: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. Donc ça vient de wahada, tawhid, c'est qu'on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes d'adoration que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui croient et qui ne corrompent pas, qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, ceux-là auront la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Et on avait vu la dernière fois que les compagnons, radiallahu anhum ajma'in, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander l'explication de ce verset-là. Dhulm, parce qu'ils pensaient que c'était juste lorsqu'on avait une injustice avec un frère, voilà. Et donc ils pensaient que ça pouvait mener des problèmes dans la foi. Parce que ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'explication en disant que le dhulm, c'est le shirk billah. C'est l'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et at-tawhid, le pur monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le but de la création par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but de la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne toute l'humanité de pratiquer ce pur monothéisme. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé en fait les créatures juste pour augmenter leur nombre ou juste pour les créer. Hachet. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Il est au-dessus de sa création et il n'a besoin ni de rien ni de personne. Il s'autosuffit, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en sourate Al-Isra, sourate 17 verset 111: وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. Et dit: louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. Qui n'a point d'associé dans la royauté. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation et proclame hautement sa grandeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté, et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation. Et proclame hautement sa grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Inna Allah huwa al-razzaq dhul quwwati al-matin. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement qu'il n'a pas besoin de nous, qu'il n'a pas besoin des actes d'adoration que les gens font, qu'il n'a pas besoin le fait que les gens le désobéissent, ou bien lui obéissent, ou bien mécroient en lui, ou bien croient en lui. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Il n'a besoin de personne, mais nous avons besoin de lui. Nous avons besoin d'Allah. Parce que un coup, dès que j'étais en Écosse, je parlais avec un frère. Et parce que yani, il s'était converti à l'islam. Et en fait, dès qu'on disait que yani, oui, Allah subhanahu wa ta'ala, s'autosuffit, n'a besoin de personne. Et donc il avait dit, ben, pourquoi alors on l'adore? Il n'avait pas compris en fait que le fait que, eh bien, pourquoi tu adores Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas pour augmenter quelque chose dans le royaume d'Allah. C'est pour sauver ta propre personne. C'est ça. Donc, même si la personne est la plus pieuse de la planète, ou la plus mécréante de la planète, ça ne va rien augmenter au royaume d'Allah, et ça ne va rien diminuer au royaume d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Man yahtada fa innama yahtadi li nafsihi. » Quiconque prend le droit chemin, ne le prend que pour lui-même. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا. Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Ça va nuire qu'à lui. Tu veux m'écroire? Tu veux t'okfar billah? Fais ce que tu veux. Mais après, il ne faut pas venir pleurer de vouloir revenir dans cette terre-là pour refaire des bonnes actions. Parce que tu ne pourras pas revenir. Donc quoi que l'on fasse dans cette vie-là, c'est pour sauver notre propre personne. Mais pour sauver notre propre personne, c'est quoi? C'est qu'on doit tout faire sans faire pour Allah. Parce que si on prétend qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, naturellement, c'est qu'on lui obéit. C'est qu'on se soumet à lui. Comme les ulama disent, « Aslam al-insan idha staslama ». La personne est musulmane si elle s'est soumise. Si elle s'est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ. Et quiconque ne croit pas, Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement des mondes. Et même s'il y a des gens, مثلاً, qui refusent de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien par exemple s'il y a des musulmans qui refusent d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera que d'autres gens, d'autres peuples, amis, entreront dans l'islam et adoreront Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup plus que ces gens-là le faisaient. Et aimeront Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup plus que ces gens le prétendaient. Donc, subhanallah. Et parfois, c'est ce qu'on voit, et qu'on voit dans le monde. Yani, le nombre de gens qui rentrent dans l'islam, mashallah. Et on voit, nous, dans nos pays, dans quel état on est. Subhanallah. Comme on dit, il y a dans nos pays, les gens, ils ont le regard vers l'ouest. Et à l'ouest, ceux qui se convertissent vers l'islam, ils ont le regard vers l'est. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est rani. Il s'autosuffit. Il n'a besoin ni de rien, ni de personne. Et le tawhid, c'est le but d'envoi des messagers. Comme on disait dans les premiers cours, c'est que, dans le but d'envoi des messagers qu'on avait vu, c'est qu'à chaque fois que la croyance était corrompue, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète et messager pour corriger la croyance des gens. Parce qu'entre Adam et Nour, 10 قرون, il y avait 10 siècles. كلهم على الخير. Ils étaient tous sur le bien. Parce que on avait dit Adam, c'était Adam alayhi salam, c'est un prophète, c'était pas un messager. Parce qu'on avait dit qu'un prophète n'est pas automatiquement un messager. Mais un messager est automatiquement un prophète. Alors que Adam alayhi salam était un prophète. Toute sa génération pendant ces 10 siècles-là, eh bien, ils adoraient, ils unifiaient Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Ils n'adoraient qu'Allah. Ils ne s'en remettaient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans le peuple de Nuh, alayhi salam, que lorsque les hommes qui sont pieux sont décédés, sont morts, le shaitan est venu sous une forme humaine et leur a dit, créez-leur des statues. Il ne leur a pas dit pour les adorer. Il leur a dit pour vous vous rappeler d'eux. Choufre toi tes shaitan. Hein? Les, comment on dit khoto en français, les papas du shaitan. Tu vois, petit à petit, il va devenir. Il va pas te dire fais péché ou bien shaykh belay. Non. Il va te mettre dans des conditions jusqu'à que tu tombes dans ce grand péché. Et donc ce qu'il y a, c'est qu'ils ont construit ces statues-là. En bas, les générations, elles sont passées. Le savoir a disparu. Le shaitan est revenu une autre fois. Il leur a dit, vos ancêtres adoraient ces statues pour se rapprocher d'Allah. Subhanallah. Et c'est là que la première fois, le shirk est apparu sur terre. La première fois que le shirk est apparu sur terre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh alayhi salam pour corriger la croyance de ces gens-là. Et 950 années, comme c'est mawjoud dans le Coran, tu vois, c'est pas, les ulémas ont expliqué que ce n'est pas la vie de Nuh. C'est 950 années de da'wah seulement. Subhanallah. Pendant 950 ans, compte 2012, rajoute 950. Subhanallah. Pendant 950 ans, il n'y en a qu'une vingtaine, 25 qui l'ont suivi. Subhanallah. Hein? C'est pour ça que ça, c'est une ni'ma. Si Allah guide quelqu'un, c'est une ni'ma. Et quelqu'un, il ne doit pas prendre cette ni'ma à la légère. Parce que si quelqu'un ne remercie pas Allah, ou ne loue pas Allah pour cette ni'ma que l'islam et l'a guidé, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala peut lui enlever. Et on connaît en fait le goût d'une ni'ma que lorsqu'on est privé de tel ou tel bénéfice, bienfait. Lorsqu'une personne est privée d'un bienfait, elle sent c'est quoi la ni'ma. Par exemple la vue, c'est une ni'ma, c'est un bénéfice, c'est un bienfait qu'Allah nous a donné. Et si quelqu'un perd la vue, eh bien il sait c'est quoi. Le goût, il y avait dans un documentaire à la télé, il disait passé qu'il y a des gens, ils peuvent pas en fait, ils ont perdu en fait les récepteurs de goût au niveau de la langue. Ils n'ont pas ces récepteurs-là. Subhanallah. Ça fait ils peuvent pas savoir si quelque chose est périmé ou quelque chose est correct ou quelque chose est salé ou quelque chose ne l'est pas. Ils n'ont plus de goût. Et eux, ils savent c'est quoi cette ni'ma-là. Tu vois ? Respirer, la même chose. On respire, on ne s'en rend même pas compte. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Et si vous comptez tous les bienfaits qu'Allah vous donne, vous ne pourrez pas les compter. Tellement que c'est énorme. Des milliards de connexions de neurones au niveau du cerveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi en train de se dire yani, même on ne peut même pas les compter, tellement que c'est, subhanallah, tel neurone qui va faire ça. Le clignement des yeux là, comme ça, tac, avec les neurones et tout ça. Le fait qu'on respire et tout ça, parce que tout ça, ça implique des muscles. Et les muscles, ils sont liés au ce qu'on appelle en fait en biologie, c'est les motoneurones en fait. Ce sont des neurones qui sont liés au niveau des cellules musculaires et qui sont reliés au cerveau. Oui. Tout ça, on ne s'en rend pas compte. Il suffit qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Ça y est, on croit que c'est fini. La terre, elle est finie. Voilà. Il croit que ça y est, il est fini. Il a un petit problème. La personne perd un travail ou quoi que ce soit. Ça y est, il croit que ça y est, il est fini. Subhanallah. Il y a des gens qui sont atteints de mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie en fait qui paralyse les muscles. Et lorsqu'on dit les muscles, eh bien le diaphragme fait partie des muscles. Lorsqu'on respire, le diaphragme, qui est un muscle ici de la respiration, eh bien va vers le bas. Et lorsqu'on... Eh bien, il revient vers le haut. Lorsqu'on expire. Eh bien, le diaphragme, sachant que c'est un muscle, il est aussi paralysé. Et donc, ces gens-là, ils respirent par masque à oxygène. Et lorsqu'ils voient, en fait, les gens, qui sont, comme par exemple, il y a des trucs de Téléthon et ça, les gens qui sont debout à côté d'eux, l'autre, il est tout le temps en train de se plaindre toutes les deux secondes. J'ai rien, il a rien. La personne est en train de le regarder, en train de se dire, si tu savais ce que tu avais. Subhanallah. Et donc, et ça c'est une ni'ma, on avait dit. C'est pour ça que tout le temps, Subhanallah, parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent, c'est qu'il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, celui qui tourne les cœurs, parce qu'en fait, qalb, ça vient de itqalb, qui peut, yani, en arabe, c'est qui peut se renverser, qui peut se tourner. Oh Allah, celui qui détient le pouvoir de tourner les cœurs, fais que mon cœur reste ferme sur ta religion. Et parmi un autre doa, c'était Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Oh Allah, donne-nous dans cette vie-là, dans cette vie d'ici-bas, du bien et dans l'au-delà, du bien. Tout le temps, on demande aussi avec l'au-delà. On ne demande pas que cette vie-là. Celui qui demande que cette vie-là, il n'aura que cette vie-là et il n'aura rien dans l'au-delà. Tu vois? Donc à chaque fois, wahed, même s'il a peu, ou rien, ou quoi que ce soit, quoi que ce soit, subhanallah, on dort sur des lits, ou je sais pas quoi, et en y avant, il dormait par terre. Et souvent, dès que tu vois les documentaires au Colchay, les gens, ils ont rien, ils dorment par terre, ils ont vraiment le strict minimum pour vivre. Tu vois? Alors que nous, alhamdoulilah, regarde, la mosquée est chauffée, on est tranquille, on est assis, on est confortable, abonné. Subhanallah. Et il y a des gens, en fait, ils n'ont pas ce minimum-là. Et il y a des gens qui sont handicapés même dans leur corps. C'est pour ça que tout ça, c'est des ni'am. Mais la meilleure des ni'am, c'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah guide quelqu'un pour que cette personne-là adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure. Pourquoi c'est la meilleure? Parce que même si la personne, elle a tous les handicaps de la planète sur son corps. Ok? Mais tawhid Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, lorsqu'elle meurt, elle meurt en tant que musulmane. Et les gens, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé, qui rentrent en fait au paradis vers l'âge de 32 ans, famille, eh bien, il n'y aura ni maladie, ni handicap, ni rien du tout. Famille, subhanallah. Alors qu'imagine quelqu'un qui est complètement handicapé et tout ça et ça, et au-dessus de ça, yukfar billah, il aura perdu cette vie-là et l'au-delà. Tu restes handicapé toute ta vie comme ça, tu meurs, tu vois, une porte vers l'enfer s'ouvrira dans ta tombe. A'oudou billah. Tu vois, c'est pour ça que c'est la meilleure des ni'ma, la guider. C'est pour ça que le kouahid, il doit tout le temps se remémorer de Yahmed Rabbi Yoshkru, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour te guider vers l'islam et que tu te soumets à Allah et tu te prosternes pour celui qui t'a créé. C'est le plus grand honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à l'humain. Dans Sourate An-Nahl, appelée par les savants aussi Sourate An-Ni'am, yani la sourate des bienfaits, en fait c'est dû au nombre en fait, des bienfaits qui sont énumérés dedans. Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate par le tawhid. Ata amrullah, fala tasta'jiluhu, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. L'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Yunazzalu al-mala'ikatu bir-ruh min amrihi 'ala ma yasha' min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité en droit d'adoration que moi. Craignez-moi donc. Craignez-moi donc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Il a créé les cieux et la terre, yani, de toute vérité. Allah est au-dessus de ce que les gens veulent lui associer. Après Allah subhanahu wa ta'ala dit خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Il écrit de rien, et maintenant il marche la tête haute de 2 mètres comme ça, il croit qu'il est intouchable. Subhanallah. Ça c'est une maladie aussi. Tu vois? Au lieu de marcher comme ça, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Il marche avec humilité. Il veut marcher comme ça. Et les photos qui sont prises d'en bas, comme on disait, pour montrer le ta'a. Lui c'est un dur. Le mec t'as le quartier qui, attention là. Et on rigole pas avec lui. Subhanallah. Ça c'est on disait, je vais donner l'exemple avant, c'était quoi? C'était que si tu sais, si tu montes sur une montagne, comme je disais, t'apparais même pas. Parfois t'apparais même pas. Tu montes vraiment haut, la montagne elle est haute. Hein? En Écosse, il y a plein de montagnes. Et donc parfois ce que je faisais, je montais complètement haut, tu voyais les gens, ils étaient comme ça. C'est vraiment comme ça à peine. Tu vois même pas leurs yeux, tu vois rien. Subhanallah. ces gens-là, ils marchent comme ça. Alors, Subhanahu wa ta'ala dit dans le surat Taha, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Les montagnes. Et il te demande sur les montagnes, et bien dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pulvérisera. Hein? Mais les gens, ils ne pensent pas à ça. Ils ne disent pas qu'ils sont rien. Allah, il t'a créé d'une goutte de sperme. Et le voilà qui devient un disputeur déclaré. Amen. Allah musta'an. Et aussi dans cette sourate, sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala énumère, amen, wal an'am khalaqaha lakum, et les bestiaux, il les a créés pour vous. Et donc en fait, ce qu'il y a ici, c'est que j'aimerais souligner une erreur qu'il y a beaucoup qui font lorsqu'ils font de la da'wah. En fait, ils pensent que le sens de la ilaha illallah, ça veut dire que il n'y a pas de créateur excepté Allah. Il y en a, il croit à ça. Et il enseigne ça. Et ça, c'est totalement faux comme définition de la ilaha illallah. C'est pas ça. C'est pas la khaliq illallah. C'est pas ça. Subhanallah. Yani, les mushrikines, les kuffars, yani, pour que ce soit inchallah bien clair, les kuffars de Quraysh, ils reniaient pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'était le créateur. Ils reniaient pas ça. Yani, ils savaient que le seul créateur, c'est Allah. Le seul qui donne, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ. Et si vous leur demandez, aux mushrikines, aux polythéistes, à ceux qui adorent autre qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, le soleil et la lune, ils répondront, c'est Allah. Ils savent. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ. Et si vous leur demandez qui vous a créé, ils diront c'est Allah. Même les kuffars, ils vont dire qui c'est qui a créé tout l'univers? C'est Dieu. Dieu. Ils ne disent pas c'est un Dieu. Voilà, c'est le Dieu, comme les Grecs, le Dieu, je ne sais pas quoi. C'est Dieu, grand D. J'avais parlé avec des bouddhistes, des hindous, parce que c'est différent. Eux, ils adorent une centaine de statues. Yani, subhanallah. Eux, ils savent. J'avais parlé avec eux, ils disent il y a un créateur suprême. Ils savent ça. Donc en fait, c'est pas essayer de convaincre les gens. Lorsqu'on lit tous ces versets-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ou bien وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ou bien خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. C'est pas pour essayer de convaincre les gens que c'est Allah le créateur. C'est pas ça. C'est parce que si vous savez que c'est Allah le créateur et qu'il n'y a que seul Allah subhanahu wa ta'ala qui peut créer, donc il n'y a que lui qui mérite l'adoration en vérité. Rien d'autre. Tu sais que c'est Allah le créateur, et bien il n'y a que lui qui mérite l'adoration. Parce que au bled des gens, en Tunisie, un de Qabar Sidi Mehrez, Qabar Sidi Ben Aïs, Qabar Leila Arbiya, Qabar Sidi je sais pas quoi, Zawiya Sidi Amour, Zawiya je sais pas quoi. Il y en a tellement qui sont éparpillés partout dans le bled. La tombe d'un wali, ils disent. Wali un tel, wali un tel, wali un tel. Le pire que j'avais vu, c'était le Qabar de, qu'ils appellent le wali, Sidi Mahrez. Yani, c'est un truc énorme qu'ils ont bâti. Décoration et tout ça et tout ça. Tu n'as pas le droit de rentrer avec tes chaussures, sinon ils te frappent et tout. Et le truc c'est quoi? Et puis les gens ils viennent là, hein? Ils s'accrochent au barreau et puis ils disent Ya Sidi Mahrez, marie-moi ma fille et je te ramènerai 2 bougies et j'égorgerai pour toi un mouton. Ce sont des choses qui arrivent. Non, ça c'est du shirk. C'est pire. Tu vois? C'est pire. Subhanallah, le truc c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma, idha sa'alta fas'al Allah wa idha sta'anta fasta'in billah. Si tu demandes, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu demandes l'aide, demande-la à Allah. Et ces gens-là qui font ça, ce sont des gens qui vont au hajj. Yani, déjà partir au hajj, c'est beaucoup d'argent de mettre de côté. C'est beaucoup de tab. Imagine, tu fais tout ça, tu n'auras rien. Oui, mais faut, yani, le problème, c'est quoi? C'est que même s'il donne au mesekin et il continue à pratiquer ça, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Parce que وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ces gens-là, ils prient 5 fois par jour. Yani, souvent, c'est chez les anciens, tu vois ça. Ils prient 5 fois par jour, ils vont au hajj, ils vont à la Mecque, yani, ils vont faire des omra et tout ça, ils mettent de l'argent et tout ça. Et à chaque fois, une fois dans le mois, ils doivent aller voir. Je connais quelqu'un au Bobled, yani, de Tunis, la capitale, elle doit descendre jusqu'à Gebes, qui est dans le sud. Yani, tout ça pour aller ramener une sahfa de, comment dire, un bol de couscous, tu vois, avec du ham, pour le sidi, je sais pas quoi, qui est mort, c'est-à-dire qu'il peut même pas manger. Subhanallah. Il ramène et tout ça. Mais dès que je dis ça, c'est pas des histoires juste pour raconter des histoires. Wallah el-Adim, c'est des trucs qui se déroulent. Les gens, ils vont aller acheter des bougies. Ils disent, ramène des bougies. Tu vois? Et le truc, c'est quoi? C'est qu'ils vont acheter des bougies, ils vont la mettre au niveau de la tombe. Tu vois? Fais que je réussis mon bac et je te ramène 2 bougies. Tu vois? Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur le jinn, قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Dis, j'invoque seulement Allah et je ne lui associe rien du tout. Parce que, ici, dans ce verset, Allah nous dit clairement que l'invocation, c'est l'adoration. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي أَدْعُوا رَبِّي. J'invoque mon Seigneur, وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Et je ne lui associe rien du tout. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, الدُّعَى هُوَ الْعِبَادَ. L'invocation, c'est l'adoration. Et dans une autre narration, الدُّعَى مُخُ الْعِبَادَ. L'invocation, c'est la tête de l'adoration. Et donc, si une personne commence à invoquer ou craindre quelqu'un d'autre, comme j'avais dit la dernière fois, c'est quelqu'un en plus de... Au bled, Allah al-Musta'an. C'est une cousine qui s'est réveillée et sentait qu'elle avait comme de la fièvre et tout ça et ça. En plein été de ça. Elle avait dit, j'ai vu en fait dans mon rêve Sidi Abdel Qadr, il était sur un cheval blanc. Il était tout en blanc parce que... Et il est resté à me regarder et après il est parti. Parce que je ne suis pas parti le visiter, donc il m'a fait que je suis devenu malade. Astaghfirullah. T'imagines? Ça veut dire qu'ils croient en fait, ils ont la crainte que quelqu'un qui est mort, là, il peut leur faire quelque chose. Et un wali, yani, il y a des exagérations aussi qui ont été faites. Yani, tu vois? Crois qu'un wali, ça y est, c'est... un wali, si quelqu'un est un wali, c'est pas que les morts qui peuvent être des walis. Vous n'importe qui ici peut être un wali. Même celui qui, yani, qui nettoie la mosquée, il peut être un wali. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la définition du wali fi surat Yunus. Allah, awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Les alliés d'Allah, les walis d'Allah. Vous n'avez pas à avoir peur pour eux, ni être triste pour eux. Qui sont ces walis? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croyaient en Allah, la correcte croyance comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, la correcte, la pure croyance, wa kanu yattaqun, ils craignaient Allah comme il se doit. Et donc c'est ça, wali. Ça fait si une personne, elle applique ça, et elle recherche le savoir pour essayer d'avoir la croyance correcte, et elle craint Allah qu'elle soit seule ou avec des frères ou je sais pas où, ou quoi que ce soit, ou dans sa chambre enfermée seule, personne ne peut la voir, sur internet, devant ton PC, wali. Vas-tu craindre Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça. La taqwa, c'est que tu crains Allah. Que tu sois seul ou en compagnie. Tu sais qu'Allah t'observe constamment. Tu sais qu'il sait ce que tu penses, ce que tu vas dire et tout ça. Donc, je voulais refermer la parenthèse sur ça. C'est que en fait, c'est pas essayer de convaincre les gens que le Créateur c'est Allah. C'est que si on sait que le seul créateur c'est Allah, eh bien seul lui mérite l'adoration. C'est quelque chose de tout à fait logique. C'est pour ça que même les kofars de Quraysh, yani, qui refusaient d'accepter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait dit, ils reniaient pas que c'était Allah le créateur, non, ils savaient. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce que les polythéistes disent, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous ne les adorons, ces statues-là, juste pour se rapprocher d'Allah. Eh bien, les gens, dès qu'ils vont avoir le Sidi, je ne sais pas quoi, le Wali, eux, ils vont l'adorer pourquoi? Ils vont dire Hadha yashfa fik. Il va intercéder pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, en fait, il est proche d'Allah, donc il va dire à Allah. Tu vois le truc? À croire que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas. Non, non. Non, non, bon, après, je ne sais pas dans les autres pays, mais en Tunisie, c'est autre chose. Mais ça, c'est dans la capitale, moi, je ne sais pas. C'est un truc dans la capitale. Et je connais des gens dans la capitale, subhanallah, qui vont descendre. Dès que j'avais commencé à parler sur ça, quelqu'un un peu de la famille éloignée là-bas au bled, je leur avais dit, tu vois le danger de ça. Et t'imagines, subhanallah, t'as rien qui a accepté, ça t'excuse d'islam. Même si les gens, ils vont juger sur ton apparence que tu pries à la mosquée, alors que tu craignais un mort, ou alors que tu dois adorer autre qu'Allah, même s'ils prient sur toi ou prient pas sur toi, tu seras enterré même avec les musulmans s'ils veulent t'enterrer dans le cimetière des musulmans, tu vois. Mais le truc c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala sait qui mérite le paradis, qui mérite l'enfer, qui mérite Adab al-Qabr, qui ne le mérite pas. Qui mérite qu'une porte dans sa tombe soit ouverte sur l'enfer ou une porte dans sa tombe soit ouverte au paradis. C'est fini. Et bien cette personne-là, dès que je lui disais, essayer de parler avec elle, tu sentais de la réticence. Elle voulait pas que tu touches son. Ah mais faut pas. Le Coran, je suis Non, ok, une salahine. Allah subhanahu wa ta'ala a donné quatre. Comme tu viens de dire, il ne faut pas toucher la tombe ou les hajats, de dire Ya Sidi Atini, Ya Sidi. Voilà, exactement. Bah, la visite, c'est pas interdit. Non, le truc, c'est quoi? C'est que bon, une personne, dès qu'elle va aller visiter une tombe, voilà, elle peut visiter. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne récites pas de Coran dans le cimetière. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne laissez pas vos maisons comme des tombes. Pourquoi? Parce que les sunan, normalement, on les laisse à la maison. C'est pas obligatoire, tu peux les faire ici. Mais le mieux, c'est qu'on les fasse à la maison. Pourquoi? Parce que même si par exemple toute la journée on n'était pas à la maison, à l'aqal, il y a du Coran qui est récité. Parce que dans les tombes, tu ne récites pas de Coran. Et donc, la personne, elle peut aller voir maintenant quelqu'un qui est mort en demandant à Allah d'avoir miséricorde sur lui. Femni, Ya Rabbi, Yaghfirlu, Arhamhu, Wasi'alu fi qabrihi, Yusqu bil Fardaws al-A'la. Tu vois ce que je veux dire? Femni, Ou sali ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais tu donnes le salam en fait aux gens qui ont qui sont morts, femni. Et ensuite, c'est quoi? C'est que tu peux après invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais on récite pas le Coran. C'est ça le truc. Et on demande pas autre. On craint pas maintenant que les gens qui sont morts, peut-être qu'ils vont nous faire quelque chose si on a été injuste. Le seul qui connaît l'invisible, c'est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne connaissait pas parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a commandé de dire ça. Qul la a'lamu al-ghayb. Tu vois? Dis, je ne connais pas l'invisible. Et c'est Allah qui ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ça. Non, mais ça c'est. Ça fait ni partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait ni partie de. Ce que les compagnons ils ont fait. Ça fait ni partie des tabi'in, ni atba' al-tabi'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, de ma génération. Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Donc dans toutes ces bonnes générations, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attesté dans ce hadith authentique, il n'y avait rien qui s'est déroulé dans ça. Question très simple, si une personne veut faire ça, on lui dit écoute, lors de la bataille d'Uhud, okay, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était Hamza, est décédé, est mort, a été tué pendant cette bataille-là. Qu'est-ce qui empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses compagnons, allez enterrer et lisez sur lui le Coran? Rien. Rien ne l'en empêchait. Et ça fait partie de ce que les ulémas disent, sunnat tarkiyya. Ça veut dire que rien n'empêchait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire telle chose, mais il ne l'a pas fait. Donc, si nous on le fait pas, et bon, on suit sa sunnah. Mais si la personne le fait, eh bien elle oppose ce que le prophète faisait. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui invente quelque chose dans notre ordre qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. C'est pas accepté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien dit ne laissez pas vos maisons comme des tombes. Parce que celui qui laisse par exemple ses prières, qui va les prier à la maison, ou bien qui lit le Coran dans sa maison, tu fais que tu attires les malaïka chez toi. Parce que les malaïka ils rentrent pas dans une maison est-ce qu'il y a des photos sur les murs ou des chiens. Et le truc c'est quoi? C'est que donc si les malaïka ils rentrent pas, et ben ce sont les chouatens qui sont là. Parce que les chouatens n'y restent pas s'il y a des malaïka qui sont là. Donc si toi tu lis le Coran chez toi, Ou alors tu fais des prières chez toi. Ou alors tu fais des prières nocturnes ou quoi que ce soit. Eh bien, les anges, ils viennent chez toi. Et ça fait alhamdoulilah. Il n'y a pas de chétan qui rentre, tu vois. Donc, on va finir, inchallah, sur ça. C'est que tous ces bienfaits qui sont énumérés rien que dans Surat An-Nahl, qui est appelé par les ulémas Surat An-Ni'am. Ça commence par le tawhid. Et ça énumère un type de tawhid qu'on verra, inchallah, demain. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée tawhid al-rububiyya, de la seigneurie. Parce que c'est Allah qui crée, qui donne le risque, qui fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, fabni. Eh bien, ça fait partie du tawhid de la seigneurie. Eh bien, ça, cette sourate, elle commence avec le tawhid. Mais ce qu'il y a, c'est que le ulama dit que le Coran lui-même commence par le tawhid. Alhamdulillah. Rabb al-Alamin. Il commence par le tawhid, il termine par le tawhid, mais en fait, tout le Coran est à propos du tawhid. Tout. Je termine vite fait, inshallah, sur ce point-là, parce que comme ça, ce sera plus clair, inshallah. Ça, c'est l'imam al-Qayyim, rahimahullah, qui a dit dans son livre, Madarij al-Salikin. Il a dit que tout le Coran, c'est à propos du tawhid, du pur monothéisme à Allah. Il a dit pourquoi? Parce que il a donné 5 points. Il a dit parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, le Coran nous informe sur Allah, subhanahu wa ta'ala, fi rububiyyatih, sur sa seigneurie, tu vois, ses actes et ses noms et attributs, fi asma'ihi wa sifatihi. Ça il l'a dénommé tawhid al-ilmi. C'est qu'on a connaissance sur ça. Allah nous donne connaissance sur ses actes, sur son pouvoir, sur tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, veut faire. Tawhid al-ilmi. Il a dit ou bien le Coran informe sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, afin qu'ils lui obéissent et agissent sur ce quoi ils ont été ordonnés, et d'être sincères à adorer Allah seul. Ça, c'est tawhid al-amali. C'est-à-dire que, déjà, dans le Coran, Allah nous donne un savoir sur le pouvoir d'Allah, sur ce qu'il fait et tout, sur ses noms et attributs, ses parfaits noms et attributs, et il nous donne aussi un savoir sur le fait que on doit adorer Allah seul. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en étant sincères dans la religion. Et حُنَفَى, c'est le pur monothéisme. Vraiment sincère pour Allah. Et donc, il y a de nombreux versets dans ça. Eh bien, Allah nous ordonne de l'adorer seul, de ne rien lui associer, et que l'adoration soit sincère. Eh bien, ça, il l'a dénommé tawhid al-amali. Ou bien le Coran informe sur la récompense qu'Allah rétribuera à ses sincères serviteurs pour avoir accompli les actes d'adoration sincèrement pour Allah. Yani la récompense de ceux qui auraient adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien le Coran informe sur le châtiment de ceux qui ont voulu associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ou bien le Coran donne des rappels du paradis et ses bienfaits pour ceux qui auraient adoré Allah seul et suivi le prophète. Et en fait, ça informe aussi sur le châtiment en enfer et qu'est-ce qui attend ceux qui ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, et les kanu yushriku billah, ou qui refusaient de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, des châtiments. Et donc, c'est pour ça que tout le Coran, du début jusqu'à la fin, c'est à propos de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le danger de ce qui annule le tawhid. On va inchallah continuer demain inchallah sur ce point-là. Inchallah, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.